En d'Islande, chapitre 10. Tu ne la croirais pas malheureuse. Tout ce qui l'entoure annonce le bonheur. Elle porte des colliers d'or et des robes de pourpre. Lorsqu'elle sort, la foule de ses vassaux se prosterne sur son passage, et des pages obéissants étendent des tapis sous ses pieds. Mais on ne la voit point dans la retraite qui lui est chère, car alors elle pleure et son mari ne l'entend pas. Je suis cette malheureuse, l'épouse d'un homme honoré, d'un noble comte, la mère d'un enfant dont les sourires me poignardent. Mathurin, Bertram. La comtesse d'Allefeld venait de quitter l'insomnie de la nuit pour celle du jour. À demi couchée sur un sofa, elle rêvait aux arrière-goûts amers des jouissances impures, aux crimes qui usent la vie par des joies sans bonheur et des douleurs sans consolation. Elle songeait à ce Musdoémon que de coupables illusions lui avaient jadis peint si séduisant, si affreux maintenant qu'elle l'avait pénétré et qu'elle avait vu l'âme à travers le corps. La misérable pleurait. Non d'avoir été trompée, mais de ne pouvoir plus l'être. De regret, non de repentir. Aussi ses pleurs ne la soulageaient-ils pas. En ce moment, sa porte s'ouvrit. Elle essuya en hâte ses yeux et se retourna, irritée d'être surprise, car elle avait ordonné qu'on la laissât seule. Sa colère se changea à l'aspect de Musdoémon en un effroi, qu'elle apaisa pourtant en le voyant accompagné de son fils Frédéric. « Ma mère ! » s'écria le lieutenant. « Comment donc êtes-vous ici ? Je vous croyais à Bergen. Est-ce que nos belles dames ont repris la mode de courir les champs ?» La comtesse accueillit Frédéric avec des embrassements auxquels, comme tous les enfants gâtés, il répondit assez froidement. C'était peut-être la plus sensible des punitions pour cette malheureuse. Frédéric était son fils chéri, le seul être au monde pour lequel elle conservât une affection désintéressée. Car souvent, dans une femme dégradée, même quand l'épouse a disparu, il reste encore quelque chose de la mère. « Je vois, mon fils, qu'en apprenant ma présence à Drontheim, vous êtes accouru sur le champ pour me voir. » « Oh, mon Dieu, non, je m'ennuyais au fort. Je suis venu dans la ville où j'ai rencontré Musdoémon, qui m'a conduit ici. » La pauvre mère soupira profondément. « À propos, ma mère, » continua Frédéric, « je suis bien content de vous voir. Vous me direz si les nœuds de ruban rose au bas du juste au corps sont toujours de mode à Copenhague. « Avez-vous songé à m'apporter une fiole de cette huile de jouvence qui blanchit la peau ? Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas, le dernier roman traduit, ni les galons d'or vierge que je vous ai demandé pour ma casaque couleur de feu, ni ces petits peignes que l'on place maintenant sous la frisure pour soutenir les boucles, ni... » La malheureuse femme n'avait rien apporté à son fils que le seul amour qu'elle eût au monde. « Mon cher fils, j'ai été malade, et mes souffrances m'ont empêché de songer à vos plaisirs. »« Vous avez été malade, ma mère ? Eh bien, maintenant, vous sentez-vous mieux ? À propos, comment va ma meute de chiens normands ? Je parie qu'on aura négligé de baigner tous les soirs ma guenon dans l'eau de rose. Vous verrez que je trouverai mon perroquet de Bilbao mort à mon retour. Quand je suis absent, personne ne songe à mes bêtes. « Votre mère, du moins, songe à vous, mon fils !» dit la mère d'une voix altérée. Ça aurait été l'heure inexorable où l'ange exterminateur lancera les âmes pécheresses dans les châtiments éternels, qu'il aurait eu pitié des douleurs auxquelles était en ce moment livré le cœur de l'infortunée comtesse. Musdoémon riait dans un coin de l'appartement. « Seigneur Frédéric, dit-il, je vois que l'épée d'acier ne veut pas se rouiller dans le fourreau de fer. Vous ne vous souciez pas de perdre dans les tours de Munkholm les saines traditions des salons de Copenhague. Mais pourtant, daignez me le dire, à quoi bon cette huile de jouvence, ces rubans roses et ces petits peignes ? À quoi bon ces apprêts de siège, si la seule forteresse féminine que renferment les tours de Montcalm est imprenable ?»« En honneur, elle l'est !» répondit Frédéric en riant. « Certes, si j'ai échoué, le général Schack y échouerait. Mais comment surprendre un fort où rien n'est à découvert, où tout est gardé sans relâche ? Que faire contre les guimpes qui ne laissent voir que le cou, contre des manches qui cachent tout le bras ? En sorte qu'il n'y a que le visage et les mains pour prouver que la jeune damoiselle n'est pas noire comme l'empereur de Mauritanie. Mon cher précepteur, vous seriez un écolier, croyez-moi. Le fort est inexpugnable quand la pudeur y tient garnison. » En vérité, dit Miss Damon, mais ne forcerait-on pas la pudeur à capituler en lui faisant donner l'assaut par l'amour au lieu de se borner au blocus des petits soins? « Peine perdue, mon cher. L'amour s'est bien introduit dans la place, mais il y sert de renfort à la pudeur. »« Ah, Seigneur Frédéric, voilà du nouveau. Avec l'amour pour vous... »« Et qui vous dit, Miss Damon, qu'il est pour moi ?»« Mais pour qui donc ?» s'écrièrent à la fois Miss Damon et la comtesse, qui jusqu'alors avaient écouté en silence, mais à qui les paroles du lieutenant venaient de rappeler ordinaire. Frédéric allait répondre et préparait déjà un récit piquant de la scène nocturne de la veille, quand le silence prescrit par la loi courtoise lui revint à l'esprit et changea sa gaieté en embarras. « Ma foi, dit-il, je ne sais pour qui, mais quelque rustaud peut-être, quelque vassal. »« Quelque soldat de la garnison ?» dit Miss Damon en éclatant de rire. « Quoi, mon fils ? » s'écriait de son côté la comtesse. « Vous êtes sûr qu'elle aime un paysan, un vassal ? » ?»« Quel bonheur si vous en étiez sûr !»« Eh, sans doute, j'en suis sûr. Ce n'est point un soldat de la garnison, » ajouta le lieutenant d'un air piqué. « Mais je suis assez sûr de ce que je dis pour vous prier, ma mère, d'abréger mon très inutile exil dans ce maudit château. » Le visage de la comtesse s'était éclairci en apprenant la chute de la jeune fille. L'empressement d'ordinaire à Gundello à se rendre à Montcalm se présenta alors à son esprit sous des couleurs toutes différentes. Elle en fit les honneurs à son fils. « Vous nous donnerez tout à l'heure, Frédéric, des détails sur les amours d'Ethel Schumacher. Il ne m'étonne pas. Fille de rustre ne peut aimer qu'un rustre. En attendant, ne maudissez pas ce château qui vous a procuré hier l'honneur de voir certains personnages faire les premières démarches pour vous connaître. « Comment, ma mère ? » dit le lieutenant ouvrant les yeux. « Quel personnage ? » « Trêve de plaisanterie, mon fils. Personne ne vous a-t-il rendu visite hier ? Vous voyez que je suis instruite. »« Ma foi, mieux que moi, ma mère. Du diable si j'ai vu hier autre visage que les mascarons placés sous les corniches de ces vieilles tours. »« Comment, Frédéric, vous n'avez vu personne ? » ?»« Personne, ma mère, en vérité. » Frédéric, en omettant son antagoniste du donjon, obéissait à la loi du silence. Et d'ailleurs, ce manant pouvait-il compter pour quelqu'un ? « Quoi ? » dit la mère. « Le fils du vice-roi n'est pas allé hier soir à Montcalm ?» Le lieutenant éclata de rire. « Le fils du vice-roi ? En vérité, ma mère, vous rêvez ou vous raillez ?»« Ni l'un ni l'autre, mon fils. Qui donc était hier de garde ? » ?»« Moi-même, ma mère. » « Et vous n'avez point vu le baron ordinaire ?»« Eh non !» répéta le lieutenant. « Mais songez, mon fils, qu'il a pu entrer incognito, que vous ne l'avez jamais vu, ayant été élevé à Copenhague, tandis qu'on relevait à Trondheim. Songez à ce qu'on dit de ses caprices, du vagabondage de ses idées. Êtes-vous sûr, mon fils, de n'avoir vu personne ?» Frédéric hésita un instant. « Non ! » s'écria-t-il. « Personne, je ne puis dire autre chose. » « En ce cas, reprit la comtesse, le baron n'est sans doute pas allé à Montcalm. » Miss Damon, d'abord surpris comme Frédéric, avait tout écouté attentivement, Il interrompit la comtesse. « Noble dame, permettez, seigneur Frédéric, quel est de grâce le nom du vassal aimé de la fille de Schumacher ?» Il répéta sa question, car Frédéric, qui depuis quelques moments était devenu pensif, ne l'avait pas entendu. « Je l'ignore, ou plutôt, oui, je l'ignore. » « Et comment, seigneur, savez-vous qu'elle aime un vassal ?»« L'ai-je dit ? Un vassal ? Eh bien, oui, un vassal. » L'embarras de la position du lieutenant s'accroissait. Cet interrogatoire, les idées qu'il faisait naître en lui, l'obligation de se taire, le jetaient dans un trouble dont il craignait de n'être plus maître. « Par ma foi, Sir Mouesdemon, et vous, madame le maire, si la manie d'interroger est à la mode, amusez-vous à vous interroger tous deux. Pour moi, je n'ai rien de plus à vous dire. » Et, ouvrant brusquement la porte, il disparut, les laissant plonger dans un abîme de conjectures. Il descendit précipitamment dans la cour, car il entendait la voix de Mouesdemon qui le rappelait. Il remonta à cheval et se dirigea vers le port, d'où il voulait se rembarquer pour Munkholm, pensant y trouver peut-être encore l'étranger, qui jetait dans de profondes réflexions l'un des plus frivoles cerveaux d'une des plus frivoles capitales. « Si c'était Ordener Gundello, se disait-il. « En ce cas, ma pauvre Ulrich. Mais non, il est impossible qu'on soit assez fou pour préférer la fille indigente d'un prisonnier d'État à la fille opulente d'un ministre tout-puissant. En tout cas, la fille de Schumacher pourrait n'être qu'une fantaisie, et rien n'empêche, quand on a une femme, d'avoir en même temps une maîtresse. Cela même est de bon ton. Mais non, ce n'est pas Ordener. Le fils du vice-roi ne se vêtirait pas d'un juste au corps usé, et cette vieille plume noire sans boucle, battue du vent et de la pluie, et ce grand manteau dont on pourrait faire une tente, et ses cheveux en désordre, sans peigne et sans frisure. Et ses bottines à éperons de fer, souillées de boue et de poussière. Vraiment, ce ne peut être lui. Le baron de Torvik est chevalier de Danbrog. Cet étranger ne porte aucune décoration d'honneur. Si j'étais chevalier de Danbrog, il me semble que je coucherais avec le collier de l'ordre. Oh non, il ne connaît seulement pas la Clélie. Non, ce n'est pas le fils du vice-roi. Chapitre 11. Si l'homme pouvait conserver encore la chaleur de l'âme quand l'expérience l'éclaire, s'il héritait du temps sans se courber sous son poids, il n'insulterait jamais aux vertus exaltées, dont le premier conseil est toujours le sacrifice de soi-même. Madame de Stahl, de l'Allemagne. Eh bien, qu'est-ce ? Vous, Poel, qui vous a fait monter ? Son Excellence oublie qu'elle vient de m'en donner l'ordre. « Oui ? » dit le général. « Ah ! C'était pour que vous me donnassiez ce carton. » Poel remit au gouverneur le carton que celui-ci aurait pu prendre lui-même en étendant un peu le bras. Son Excellence replaça machinalement le carton sans l'ouvrir, puis elle feuilleta quelques papiers avec distraction. « Poel, je voulais aussi vous demander... Quelle heure est-il ? » 6 heures du matin, répondit le valet au général, qui avait une horloge sous les yeux. Je voulais vous dire, Poel, qu'y a-t-il de nouveau dans le palais ? Le général continua sa revue des papiers, écrivant d'un air préoccupé quelques mots sur chacun d'eux. Rien, votre excellence, sinon que l'on attend encore mon noble maître, dont je vois que le général est inquiet. Le général se leva de son grand bureau et regarda Poel d'un air d'humeur. « Vous avez de mauvais yeux, Poel. Moi, inquiet d'Ordener, je sais le motif de son absence. Je ne l'attends pas encore. » Le général Levin de Knud était tellement jaloux de son autorité qu'elle lui eût semblé compromise si un subalterne eût pu deviner une de ses secrètes pensées et croire qu'Ordener avait agi sans son ordre. « Poel, poursuivit-il, retirez-vous. » Le valet sortit. En vérité, s'écria le gouverneur resté seul, ordinaire, use et abuse. À force de plier la lame, on la brise. Me faire passer une nuit d'insomnie et d'impatience, exposer le général Lévin au sarcasme d'une chancelière et aux conjectures d'un valet, et tout cela pour qu'un vieil ennemi ait les premiers embrassements qu'il doit à un vieil ami. Ordinaire, ordinaire, les caprices tuent la liberté. Qu'il vienne, qu'il arrive maintenant. Du diable si je ne l'accueille pas comme la poudre accueille le feu. Exposer le gouverneur de Trondheim aux conjectures d'un valet, aux sarcasmes d'une chancelière. Qu'il vienne. Le général continuait d'apostiller les papiers sans les lire, tant sa mauvaise humeur le préoccupait. « Mon général, mon noble père !» s'écria une voix connue. Ordener serrait dans ses bras le vieillard, qui ne songea pas même à réprimer un cri de joie. « Ordener, mon brave Ordener, par Dieu, que je suis aisé !» La réflexion arriva au milieu de cette phrase. « Je suis aisé, seigneur baron, que vous sachiez maîtriser vos sentiments. Vous paraissez avoir du plaisir à me revoir. » C'est sans doute pour vous mortifier que vous vous en êtes imposé la privation depuis 24 heures que vous êtes ici. Mon père, vous m'avez souvent dit qu'un ennemi malheureux devait passer avant un ami heureux. Je viens de Munkholm. Sans doute, dit le général, quand le malheur de l'ennemi est imminent. Mais l'avenir de Schumacher est plus menaçant que jamais. « Noble général, une trame odieuse et ourdie contre cet infortuné. Des hommes nés ses amis veulent le perdre. Un homme né son ennemi saura le servir. » Le général, dont le visage s'était par degrés entièrement adouci, interrompit Ordener. « Bien, mon cher Ordener, mais que dis-tu là? Schumacher est sous ma sauvegarde. Quels hommes? Quelle trame ?» Ordener aurait été bien empêché de répondre clairement à cette question. Il n'avait que des lueurs très vagues, que des présomptions très incertaines sur la position de l'homme pour lequel il allait exposer sa vie. Bien des gens trouveront qu'il agissait follement, mais les âmes jeunes font ce qu'elles croient juste par instinct et non par calcul. Et d'ailleurs, dans ce monde où la prudence est si aride et la sagesse si ironique, qui nie que la générosité soit folie? Tout est relatif sur la terre où tout est borné. Et la vertu serait une grande démence si derrière les hommes il n'y avait Dieu. Ordener était dans l'âge où l'on croit et où l'on est cru. Il risquait ses jours de confiance. Le général accueillit de même des raisons qui n'auraient pas résisté à une discussion froide. Quelle trame, quels hommes! « Mon bon père, dans quelques jours j'aurai tout éclairci. Alors vous saurez tout ce que je saurai. Je vais repartir ce soir. »« Comment ? » s'écria le vieillard. « Tu ne me donneras encore que quelques heures ? Mais où vas-tu ? Pourquoi pars-tu, mon cher fils ? » ?»« Vous m'avez quelquefois permis, mon noble père, de faire une action louable en secret. »« Oui, mon brave Ordener, mais tu pars sans trop savoir pourquoi. » Et tu sais quelle grande affaire te demande. Mon père m'a laissé un mois de réflexion. Je le consacre aux intérêts d'un autre. Bonne action donne bon conseil. D'ailleurs, à mon retour, nous verrons. Quoi ? Reprit le général d'un ton de sollicitude. Ce mariage te déplairait-il ? On dit Ulrich d'Allefeld si belle. Dis-moi, l'as-tu vue ? Je crois que oui, dit Ordener. Et il me semble qu'elle est belle, en effet. « Eh bien !» reprit le gouverneur. « Eh bien !» dit Ordener, « elle ne sera pas ma femme. » Ce mot froid et décisif frappa le général comme un coup violent. Les soupçons de l'orgueilleuse comtesse lui revinrent à l'esprit. « Ordener, dit-il en hochant la tête, « je devrais être sage, car j'ai été pécheur. » « Eh bien, je suis un vieux fou, Ordener. Le prisonnier a une fille. Oh, s'écria le jeune homme. « Général, je voulais vous en parler. Je vous demande, mon père, votre protection pour cette faible et opprimée jeune fille. » « En vérité, dit gravement le gouverneur, tes instances sont vives. » Ordener revint un peu à lui. « Et comment ne le serait-elle pas pour une pauvre prisonnière à laquelle on veut arracher la vie ? Et, ce qui est bien plus précieux, l'honneur. » « La vie, l'honneur ! Mais c'est moi pourtant qui gouverne ici, et j'ignore toutes ces horreurs. Explique-toi. » « Mon noble père, la vie du prisonnier et de sa fille sans défense est menacée par un infernal complot. » « Mais ce que tu avances est grave. Quelle preuve en as-tu ? » « Le fils aîné d'une puissante famille est en ce moment à Munkholm. Il y est pour séduire la comtesse Ethel. Il me l'a dit lui-même. » Le général recula de 3 pas. « Dieu, Dieu ! Pauvre jeune abandonné ! Ordener, Ordener ! Ethel et Schumacher sont sous ma protection. Quel est le misérable ? Quelle est la famille ?» Ordener s'approcha du général et lui serra la main. « La famille d'Alefeld. »« D'Alefeld ? » dit le vieux gouverneur. « Oui, la chose est claire. Le lieutenant Frédéric est encore en ce moment à Munkholm. »« Noble Ordener, on veut t'allier à cette race. Je conçois ta répugnance, noble Ordener. » Le vieillard, croisant les bras, resta quelques moments rêveur, puis il vint à Ordener et le serra sur sa poitrine. « Jeune homme, tu peux partir. Ta protection ne sera pas absente pour tes protégés. Je leur reste. Oui, pars. Tu fais bien de toute manière. Cette infernale comtesse d'Alefeld est ici, tu le sais peut-être. » « La noble dame, comtesse d'Alefeld, » dit la voix de l'huissier qui ouvrait la porte. À ce nom, Ordener recula machinalement vers le fond de la chambre, et la comtesse, entrant sans l'apercevoir, s'écria « Seigneur général, votre élève se joue de vous. Il n'est point allé à Munkholm. » « En vérité, » dit le général. « Eh mon Dieu, mon fils Frédéric, qui sort du palais, était hier de garde au donjon et n'a vu personne. » « Vraiment, noble dame ? » répéta le général. « Ainsi, » continua la comtesse en souriant d'un air de triomphe. « Général, n'attendez plus votre ordonneur !» Le gouverneur resta grave et froid. « Je ne l'attends plus, en effet, dame comtesse. »« Général, » dit la comtesse en se détournant, « je croyais que nous étions seuls. Quelle est... » La comtesse attacha son regard scrutateur sur ordonneur qui s'inclina. « Vraiment ? » poursuivit-elle. « Je ne l'ai vu qu'une fois, mais sans ce costume, ce serait... »« Seigneur général, c'est le fils du vice-roi ?»« Lui-même, noble dame, » dit Ordener, s'inclinant de nouveau. La comtesse sourit. « En ce cas, permettez-vous à une dame, qui doit bientôt être plus encore pour vous, de vous demander où vous êtes allé hier, seigneur comte ?» « Seigneur comte, je ne crois pas avoir eu le malheur de perdre déjà mon noble père, dame comtesse. »« Ce n'est certes point là ma pensée. Mieux vaut devenir comte en prenant une épouse qu'en perdant un père. »« L'un ne vaut guère mieux que l'autre, noble dame. » La comtesse, un peu interdite, prit cependant le parti d'éclater de rire. « Allons, on m'avait dit vrai. Sa courtoisie est un peu sauvage. » Elle se familiarisera pourtant avec les présents des dames quand Ulrich d'Alefeld lui passera au cou la chaîne de l'ordre de l'éléphant. « Véritable chaîne, en effet, » dit Ordener. « Vous verrez, général Levin, » reprit la comtesse, dont le rire devenait embarrassé, « que votre intraitable élève ne voudra pas non plus tenir d'une dame son rang de colonel. » « Vous avez raison, dame comtesse, » répliqua Ordener. « Un homme qui porte l'épée ne doit pas devoir ses aiguillettes à un jupon. » La physionomie de la grande dame se rembrunit tout à fait. « Oh ! D'où vous vient donc le seigneur baron ? Est-il bien vrai que sa courtoisie ne soit pas allée hier à Munkholm ? Noble dame, je ne satisfais pas toujours à toutes les questions. Mais, général, nous nous reverrons. » Puis, serrant la main du vieillard et saluant la comtesse, il sortit, laissant la dame stupéfaite de tout ce qu'elle ignorait, seule avec le gouverneur, indignée de tout ce qu'il savait. Chapitre 12. L'homme qui est en ce moment assis près de lui, qui rompt avec lui son pain et boit à sa santé la coupe qu'ils ont partagée ensemble, sera le premier à l'assassiner. Shakespeare, Timon d'Athènes. Que le lecteur se transporte maintenant sur la route de Trondheim à Schongen, route étroite et pierreuse qui côtoie le golfe de Trondheim jusqu'au hameau de Vigla. Il ne tardera pas à entendre les pas de deux voyageurs qui sont sortis de la porte dite de Skongen à la chute du jour et montent assez rapidement les collines étagées sur lesquelles serpente le chemin de Vigla. Tous deux sont enveloppés de manteaux. L'un marche d'un pas jeune et ferme, le corps droit et la tête levée. L'extrémité d'un sabre dépasse le bord de son manteau, et malgré l'obscurité de la nuit, on peut voir une plume se balancer au souffle du vent sur sa toque. L'autre est un peu plus grand que son compagnon, mais légèrement voûté. On voit sur son dos une bosse, formée sans doute par une besace, que cache un grand manteau noir dont les bords profondément dentelés annonce les bons et loyaux services. Il n'a d'autre arme qu'un long bâton dont il aide sa marche inégale et précipitée. Si la nuit empêche le lecteur de distinguer les traits des deux voyageurs, il les reconnaîtra peut-être à la conversation que l'un d'eux entame après une heure de route silencieuse et par conséquent ennuyeuse. « Maître, mon jeune maître, nous sommes au point d'où l'on aperçoit à la fois la tour de Vigla et les clochers de Trondheim. Devant nous, à l'horizon, cette masse noire, c'est la tour. Derrière nous, voici la cathédrale, dont les arcs boutants, plus sombres encore que le ciel, se dessinent comme les côtes de la carcasse d'un mammouth. « Vigla est-il loin de Skongen ?» demanda l'autre piéton. « Nous avons l'Ordals à traverser, seigneur. Nous ne serons pas à Skongen avant 3 heures du matin. Quelle est l'heure qui sonne en ce moment ?»« Juste Dieu, maître, vous me faites trembler. Oui, c'est la cloche de Trondheim dont le vent nous apporte les sons. Cela annonce l'orage. Le souffle du nord-ouest amène les nuages. Les étoiles, en effet, ont toutes disparu derrière nous. » « Doublons le pas, mon noble seigneur, de grâce. L'orage arrive, et peut-être s'est-on déjà aperçu à la ville de la mutilation du cadavre de Gilles et de ma fuite. Doublons le pas. »« Volontiers, vieillard. Votre fardeau paraît lourd, cédez-le-moi. Je suis jeune et plus vigoureux que vous. »« Non, en vérité, noble maître, ce n'est point à l'aigle à porter l'écaille de la tortue. » « Je suis trop indigne que vous vous chargiez de ma besace. »« Mais, vieillard, si elle vous fatigue, elle paraît pesante. Que contient-elle donc ? Tout à l'heure, vous avez bronché. Cela a résonné comme du fer. » Le vieillard s'écarta brusquement du jeune homme. « Cela a résonné, maître. Oh non, vous vous êtes trompé. Elle ne contient rien, que des vivres, des habits. Non, elle ne me fatigue pas, seigneur. » La proposition bienveillante du jeune homme paraissait avoir causé à son vieux compagnon un effroi qu'il s'efforçait de dissimuler. « Eh bien, répondit le jeune homme sans s'en apercevoir, si ce fardeau ne vous fatigue pas, gardez-le. » Le vieillard, tranquillisé, se hâta néanmoins de changer la conversation. Il est triste de suivre la nuit en fugitif une route qu'il serait si agréable, seigneur, de parcourir le jour en observateur. On trouve sur les bords du golfe, à notre gauche, une profusion de pierres runiques, sur lesquelles on peut étudier des caractères tracés, suivant les traditions, par les dieux et les géants. À notre droite, derrière les rochers qui bordent le chemin, s'étend le marais salé de Sjold, qui communique sans doute avec la mer par quelque canal souterrain, puisque l'on y pêche le lombric marin, ce poisson singulier qui, d'après les découvertes de votre serviteur et guide, mange du sable. C'est dans la tour de Vigla, dont nous approchons, que le roi païen Vermont fit rôtir les mamelles de Sainte Etheldéra, cette glorieuse martyre, avec du bois de la vraie croix apportée à Copenhague par Olaus III et conquis par le roi de Norvège. On dit que depuis on a essayé inutilement de faire une chapelle de cette tour maudite. Toutes les croix qu'on y a placées successivement ont été consumées par le feu du ciel. En ce moment, un immense éclair couvrit le golfe, la colline, les rochers, la tour, et disparut avant que l'œil des deux voyageurs eût pu discerner aucun de ces objets. Ils s'arrêtèrent spontanément, et l'éclair fut suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre violent, dont l'écho se prolongea de nuage en nuage dans le ciel et de rocher en rocher sur la terre. Ils levèrent les yeux. Toutes les étoiles étaient voilées. De grosses nues roulaient rapidement les unes sur les autres, et la tempête s'amassait comme une avalanche au-dessus de leur tête. Le grand vent sous lequel couraient toutes ces masses n'était point encore descendu jusqu'aux arbres, qu'aucun souffle n'agitait, et sur lesquels ne retentissait encore aucune goutte de pluie. On entendait en haut comme une rumeur orageuse, qui, jointe à la rumeur du golfe, était le seul bruit qui s'éleva dans l'obscurité de la nuit, redoublé par les ténèbres de la tempête. Ce tumultueux silence fut soudain interrompu, près des deux voyageurs, par une espèce de rugissement qui fit tressaillir le vieillard. « Dieu tout-puissant ! » s'écria-t-il en serrant le bras du jeune homme. « C'est le rire du diable dans l'orage, ou la voix de... » Un nouvel éclair, un nouveau coup de tonnerre lui coupèrent la parole. La tempête commença alors avec impétuosité, comme si elle eût attendu ce signal. Les deux voyageurs resserrèrent leurs manteaux pour se garantir à la fois de la pluie qui s'échappait des nuages par torrents et de la poussière épaisse qu'un vent furieux enlevait par tourbillon à la terre encore sèche. « Vieillard, dit le jeune homme, un éclair vient de me montrer la tour de Vigla sur notre droite. Quittons la route et cherchons-y un abri. »« Un abri dans la tour maudite ? » s'écria le vieillard. « Que saint Hospice nous protège ! Songez, jeune maître, que cette tour est déserte !»« Tant mieux, vieillard, nous n'attendrons pas à la porte !»« Songez, quelle abomination l'a souillée !»« Eh bien, qu'elle se purifie en nous abritant ! Allons, vieillard, suivez-moi ! Je vous déclare qu'en une pareille nuit, je tenterai l'hospitalité d'une caverne de voleurs !» Alors, malgré les remontrances du vieillard, dont il avait saisi le bras, il se dirigea vers l'édifice, que les fréquentes lueurs des éclairs lui montraient à peu de distance. En approchant, ils aperçurent une lumière à l'une des meurtrières de la tour. « Vous voyez, dit le jeune homme, que cette tour n'est pas déserte. Vous voilà rassuré, sans doute. « Dieu, bon Dieu !» s'écria le vieillard. « Où me menez-vous, maître ? Ne plaise à Saint-Hospice que j'entre dans cet oratoire du démon !» Ils étaient au bas de la tour. Le jeune voyageur frappa avec force à la porte neuve de cette ruine redoutée. « Tranquillisez-vous, vieillard. Quelque pieux cénobite sera venu sanctifier cette demeure profanée en l'habitant. »« Non, disait son compagnon, je n'entrerai pas. Je réponds que nul ermite ne peut vivre ici, à moins qu'il n'ait pour chapelet une des sept chaînes de Belzébuth. » Cependant, une lumière était descendue de meurtrière en meurtrière et vint briller à travers la serrure de la porte. « Tu viens bien tard, Nicole !» cria une voix aigre. « On dresse la potence à midi, et il ne faut que 6 heures pour venir de Stongen à Vigla. Est-ce qu'il y a eu surcroît de besogne ?» Cette question tomba au moment où la porte s'ouvrait. La femme qui l'ouvrait, apercevant deux figures étrangères, au lieu de celle qu'elle attendait, poussa un cri d'effroi et de menace et recula de 3 pas. L'aspect de cette femme n'était pas lui-même très rassurant. Elle était grande, son bras élevait au-dessus de sa tête une lampe de fer dont son visage était fortement éclairé. Ses traits livides, sa figure sèche et anguleuse avaient quelque chose de cadavéreux, et il s'échappait de ses yeux creux des rayons sinistres, pareils à ceux d'une torche funèbre. Elle était vêtue depuis la ceinture d'un jupon de serge écarlate qui ne laissait voir que ses pieds nus et paraissait souillée de taches d'un autre rouge. Sa poitrine décharnée était à moitié couverte d'une veste d'homme de même couleur, dont les manches étaient coupées au coude. Le vent, entrant par la porte ouverte, agitait au-dessus de sa tête ses longs cheveux gris, à peine retenus par une ficelle d'écorce, ce qui rendait plus sauvage encore l'expression de sa farouche physionomie. « Bonne dame !» dit le plus jeune des nouveaux venus. « La pluie tombe à flot, vous avez un toit et nous avons de l'or !» Son vieux compagnon le tirait par son manteau et s'écriait à voix basse. « Ô maître, que dites-vous là? Si ce n'est pas ici la maison du diable, c'est l'habitacle de quelque bandit. Notre or nous perdra, loin de nous protéger. »« Paix !» dit le jeune homme. Et tirant une bourse de sa veste, il la fit briller aux yeux de l'hôtesse en répétant sa prière. Celle-ci, revenue un peu de sa surprise, les considérait alternativement d'un œil fixe et hagard. « Étranger !» s'écria-t-elle enfin, comme n'ayant pas entendu leur voix. « Vos esprits gardiens vous ont-ils abandonné? Que venez-vous chercher parmi les habitants maudits de la tour maudite? Étranger! Ce ne sont point des hommes qui vous ont indiqué ces ruines pour abri, car tous vous auraient dit « Mieux vaut l'éclair de la tempête que le foyer de la tour de Vigla. Le seul vivant qui puisse entrer ici n'entre dans aucune demeure des autres vivants. Il ne quitte la solitude que pour la foule. Il ne vit que pour la mort. Il n'a de place que dans les malédictions des hommes. Il ne sert qu'à leur vengeance. Il n'existe que par leurs crimes. Et le plus vil scélérat, à l'heure du châtiment, se décharge sur lui du mépris universel et se croit encore en droit d'y ajouter le sien. Étranger, vous l'êtes, car votre pied n'a pas encore repoussé avec horreur le seuil de cette tour. Ne troublez pas plus longtemps la louve et les louveteaux. Regagnez le chemin où marchent tous les autres hommes. Et si vous ne voulez pas être fui de vos frères, ne leur dites pas que votre visage ait été éclairé par la lampe des hôtes de la tour de Vigla. » À ces mots, indiquant la porte du geste, elle s'avança vers les deux voyageurs. Le vieux tremblait de tous ses membres et regardait d'un air suppliant le jeune, lequel, n'ayant rien compris aux paroles de la grande femme, à cause de l'extrême volubilité de son débit, la croyait folle et ne se sentait d'ailleurs nullement disposé à retourner sous la pluie, qui continuait de tomber à grand bruit. « Par ma foi, notre bonne hôtesse, vous venez de nous peindre un personnage singulier, avec lequel je ne veux pas perdre l'occasion de faire connaissance. » « La connaissance avec lui, jeune homme, est bientôt faite, plutôt terminée. Si votre démon vous y pousse, allez assassiner un vivant ou profaner un mort. »« Profaner un mort ?» répéta le vieillard d'une voix tremblante et se cachant dans l'ombre de son compagnon. « Je ne comprends guère, » dit celui-ci. « Vos moyens, au moins très indirects, il est plus court de rester ici. Il faudrait être fou pour continuer sa route par un temps pareil. »« Mais bien plus fou encore, » murmura le vieillard, « pour s'abriter contre un pareil temps dans un pareil lieu. »« Malheureux !» s'écria la femme. « Ne frappez pas au seuil de celui qui ne sait ouvrir d'autres portes que celles du sépulcre. » Dût la porte du sépulcre s'ouvrir en effet pour moi avec la vôtre, femme. Il ne sera pas dit que j'aurais reculé devant une parole sinistre. Mon sabre me répond de tout. Allons, fermez la tour, car le vent est froid, et prenez cet or. Et que me fait votre or? Reprit l'hôtesse. Précieux dans vos mains, il deviendra dans les miennes plus vil que l'étain. Eh bien, restez donc pour de l'or. Il peut garantir des orages du ciel. Il ne sauve pas du mépris des hommes. Restez. Vous payez l'hospitalité plus cher qu'on ne paie un meurtre. Attendez-moi un instant ici et donnez-moi votre or. Oui, C'est la première fois que les mains d'un homme entrent ici chargées d'or, sans être souillées de sang. » Alors, après avoir déposé sa lampe et barricadé la porte, elle disparut sous la voûte d'un escalier noir percé dans le fond de la salle. Tandis que le vieillard frissonnait et, invoquant sous tous ses noms le glorieux Saint-Hospice, maudissait de bon cœur, mais à voix basse, l'imprudence de son jeune compagnon, celui-ci prit la lumière et se mit à parcourir la grande pièce circulaire où il se trouvait. Ce qu'il vit en approchant de la muraille le fit tressaillir, et le vieillard qui l'avait suivi du regard s'écria « Grand Dieu, maître, une potence !» Une grande potence était en effet appuyée au mur et atteignait au cintre de la voûte haute et humide. « Oui, dit le jeune homme, et voici des scies de bois et de fer, des chaînes, des carcans. Voici un chevalet et de grandes tenailles suspendues au-dessus. « Grand saint du paradis !» s'écria le vieillard. « Où sommes-nous ?» Le jeune homme poursuivit froidement son examen. « Ceci est un rouleau de cordes de chanvre. Voici des fourneaux et des chaudières. Cette partie de la muraille est tapissée de pinces et de scalpels. Voici des fouets de cuir garnis de pointes d'acier. Une hache, une masse. « C'est donc ici le garde-meuble de l'enfer !» interrompit le vieillard épouvanté de cette terrible énumération. « Voici, continua l'autre, des siphons en cuivre, des roues à dents de bronze, une caisse de grands clous, un cri. En vérité, ce sont de sinistres ameublements. Il peut vous sembler fâcheux que mon impatience vous ait amené ici avec moi. « Vraiment, vous en convenez ?» Le vieillard était plus mort que vif. « Ne vous effrayez pas, qu'importe le lieu où vous êtes, j'y suis avec vous. »« Belle défense !» murmura le vieillard, chez qui une plus grande terreur affaiblissait la crainte et le respect pour son jeune compagnon. « Un sabre de 30 pouces contre une potence de 30 coudées !» La grande femme rouge reparut, et, reprenant la lampe de fer, fit signe aux voyageurs de la suivre. Ils montèrent avec précaution un escalier étroit et dégradé, pratiqué dans l'épaisseur du mur de la tour. À chaque meurtrière, une bouffée de vent et de pluie venait menacer la flamme tremblante de la lampe, que l'hôtesse couvrait de ses mains longues et diaphanes. Ce ne fut pas sans avoir plus d'une fois trébuché sur des pierres roulantes que l'imagination alarmée du vieillard prenait pour des os humains épars sur les degrés, qu'ils arrivèrent au premier étage de l'édifice, dans une salle ronde, pareille à la salle inférieure. Au milieu, suivant l'usage gothique, brillait un vaste foyer dont la fumée s'échappait par une ouverture percée dans le plafond, non sans obscurcir très sensiblement l'atmosphère de la salle, et dont la lumière, jointe à celle de la lampe de fer, avait été aperçue des deux voyageurs sur le chemin. Une broche, chargée de viande encore fraîche, tournait devant le feu. Le vieillard se détourna avec horreur. « C'est à ce foyer exécrable, dit-il à son compagnon, que la braise de la vraie croix a consumé les membres d'une sainte. » Une table grossière était placée à quelque distance du foyer. La femme invita les voyageurs à s'y asseoir. « Étranger, dit-elle en plaçant la lampe devant eux. « Le souper sera bientôt prêt et mon mari va sans doute se hâter d'arriver, de peur que l'esprit de minuit ne l'emporte en passant près de la tour maudite. » Alors ordonnèrent, car le lecteur a sans doute déjà deviné que c'était lui et son guide Beninus Piagudry, put examiner à son aise le déguisement bizarre pour lequel ce dernier avait épuisé toutes les ressources de son imagination, fécondée par la peur d'être reconnu et repris. Le pauvre concierge fugitif avait échangé ses habits de cuir de renne contre un vêtement noir complet, laissé jadis dans le Splatgest par un célèbre grammairien de Trondheim, qui s'était noyé de désespoir de n'avoir pu trouver pourquoi Jupiter donnait Jovis au génitif. Ses sabots de coudrier avaient fait place aux bottes fortes d'un postillon écrasé par ses chevaux, dans lesquelles ses jambes fluettes étaient tellement à l'aise qu'il n'aurait pu marcher sans le secours d'une demi-botte de foin. La vaste perruque d'un jeune et élégant voyageur français, assassiné par des voleurs aux portes de Trondheim, cachait sa calvitie et flottait sur ses épaules pointues et inégales. L'un de ses yeux était couvert d'un emplâtre et, grâce à un pot de fard qu'il avait trouvé dans les poches d'une vieille fille morte d'amour, ses joues pâles et creuses s'étaient revêtues d'un vermillon insolite, agrément auquel la pluie avait fait participer jusqu'à son menton. Avant de s'asseoir, il plaça soigneusement sous lui le paquet qu'il portait sur son dos, s'enveloppa de son vieux manteau et, tandis qu'il absorbait toute l'attention de son compagnon, la sienne paraissait entièrement concentrée sur le rôti que surveillait l'hôtesse et vers lequel il lançait de temps en temps des regards d'inquiétude et d'horreur. Sa bouche laissait par intervalles échapper des mots entrecoupés. « Chère humaine, oranda sepulas, anthropophage, souper de Moloch, ne pueras coram populo medea trucidet. Où sommes-nous? Atrée, druidesse, Irmansoul, le diable a foudroyé Lycan. » Enfin il s'écria « Juste ciel, Dieu merci, j'aperçois une queue !» Ordener, qui, l'ayant considéré et écouté attentivement, avait à peu près suivi le fil de ses idées, ne put s'empêcher de sourire. « Cette queue n'a rien de rassurant, c'est peut-être un quartier du diable !» Spiagudry n'entendit pas cette plaisanterie. Son regard s'était attaché au fond de la salle. Il tressaillit et se pencha à l'oreille d'Ordener. « Maître, regardez, là, au fond, sur ce tas de paille, dans l'ombre. » « Eh bien, » dit Ordener, « trois corps nus et immobiles, trois cadavres d'enfants. » « On frappe à la porte de la tour, » s'écria la femme rouge, accroupie près du foyer. En effet, un coup suivi de deux autres plus forts s'était fait entendre dans le bruit de l'orage toujours croissant. « C'est enfin lui, c'est Nicole !» Et prenant la lampe, l'hôtesse descendit précipitamment. Les deux voyageurs n'avaient pas encore repris leur conversation quand ils entendirent dans la salle basse un bruit confus de voix, au milieu duquel s'élevèrent enfin ces paroles prononcées avec un accent qui fit tressaillir et trembler Spiagudry. « Femme, tais-toi, nous resterons. Le tonnerre entre sans qu'on lui ouvre la porte. » Spiagudry se serra contre Ordener. « Maître, maître, » dit-il faiblement, « malheur à nous !» Un tumulte de pas se fit entendre dans l'escalier. Puis deux hommes, revêtus d'habits religieux, entrèrent dans la salle, suivis de l'hôtesse effarée. L'un de ces hommes était assez grand et portait l'habit noir et la chevelure ronde des ministres luthériens. L'autre, de petite taille, avait une robe d'ermite nouée d'une ceinture de corde. Le capuchon rabattu sur son visage ne laissait apercevoir que sa longue barbe noire, et ses mains étaient entièrement cachées sous les larges manches de sa robe. À l'aspect de ces deux personnages pacifiques, Spiagudry sentit s'évanouir la terreur que la voix étrange de l'un d'eux lui avait causée. « Ne vous alarmez pas, chère dame, » disait le ministre à l'hôtesse. « Des prêtres chrétiens se rendent utiles à qui leur nuit. Voudraient-ils nuire à qui leur est utile? Nous implorons humblement un abri. Si le révérend docteur qui m'accompagne vous a parlé durement tout à l'heure, il a eu tort d'oublier cette modération de la voix, recommandée par nos vœux. Hélas, les plus saints peuvent faillir. J'étais égaré sur la route de Skongen à Trondheim, sans guide dans la nuit, sans asile dans la tempête. Ce révérend frère que j'ai rencontré, éloigné comme moi de sa demeure, a daigné me permettre de venir avec lui vers la vôtre. Il m'avait vanté votre bonté hospitalière, chère dame. Sans doute il ne s'est pas trompé. Ne nous dites pas, comme le mauvais pasteur, « Advena cur intrus ?» Accueillez-nous, digne hôtesse, et Dieu sauvera vos moissons de l'orage. Dieu donnera dans la tempête un abri à vos troupeaux, comme vous en aurez donné un aux voyageurs égarés. Vieillard, interrompit la femme d'une voix farouche, je n'ai ni moisson ni troupeau. Eh bien, si vous êtes pauvre, Dieu bénit le pauvre avant le riche. Vous vieillirez avec votre époux, respecté, non pour vos biens, mais pour vos vertus. Vos enfants croîtront, entourés de l'estime des hommes, et sauront ce qu'aura été leur père. Taisez-vous, cria l'hôtesse. C'est en restant ce que nous sommes que nos enfants vieilliront comme nous dans le mépris des hommes, transmis sur notre race de génération en génération. Taisez-vous, vieillard. La bénédiction se tourne en malédiction sur nos têtes. Oh, ciel ! Reprit le ministre. Qui donc êtes-vous ? Dans quel crime passez-vous votre vie ? Qu'appelez-vous crime ? Qu'appelez-vous vertu ? Nous jouissons ici d'un privilège. Nous ne pouvons avoir de vertu ni commettre de crime. La raison de cette femme est égarée, dit le ministre, se tournant vers le petit ermite qui séchait sa robe de bure devant le foyer. Non, prêtre, répliqua la femme, sachez où vous êtes. J'aime mieux faire horreur que pitié. Je ne suis pas une insensée, mais la femme du... Le retentissement prolongé de la porte de la tour, sous un coup violent, empêcha d'entendre le reste, au grand désappointement de Spiagudry et d'Ordener, qui avaient prêté une attention muette à ce dialogue. « Maudit soit !» dit la femme rouge entre ses dents. « Le syndic, ô justicier de Skongen, qui nous a assigné pour demeure cette tour voisine de la route. Peut-être, n'est-ce pas encore Nicole ?» Elle prit néanmoins la lampe. Après tout, si c'est encore un voyageur, qu'importe, le ruisseau peut couler où le torrent a passé. Les quatre voyageurs, restés seuls, s'entre-regardaient aux lueurs du foyer. Spiagudry, d'abord épouvanté par la voix de l'ermite et rassuré ensuite par sa barbe noire, eût peut-être recommencé à trembler s'il eût vu de quel œil perçant celui-ci l'observait en dessous de son capuchon. Dans le silence général, le ministre hasarda une question. « Frère ermite, je présume que vous êtes un des prêtres catholiques échappés à la dernière persécution, et que vous regagnez votre retraite lorsque, pour mon bonheur, je vous ai rencontré. Pourriez-vous me dire où nous sommes ?» La porte délabrée de l'escalier en ruine se rouvrit avant que frère ermite eût répondu. « Femme, vienne un orage et il y aura foule pour s'asseoir à notre table exécrée et s'abriter sous notre toit maudit. »« Nicole, répondit la femme, je n'ai pu empêcher. »« Et qu'importe tous ces hôtes pourvu qu'ils paient. L'or est tout aussi bien gagné en hébergeant un voyageur qu'en étranglant un brigand. » Celui qui parlait ainsi s'était arrêté devant la porte où les quatre étrangers pouvaient le contempler à leur aise. C'était un homme de proportions colossales, vêtu comme l'hôtesse de serge rouge. Son énorme tête paraissait immédiatement posée sur ses larges épaules, ce qui contrastait avec le cou long et osseux de sa gracieuse épouse. Il avait le front bas, le nez camard, les sourcils épais. Ses yeux, entourés d'une ligne de pourpre, brillaient comme du feu dans du sang. Le bas de son visage, entièrement rasé, laissait voir sa bouche grande et profonde, dont un rire hideux entr'ouvrait les lèvres noires comme les bords d'une plaie incurable. Deux touffes de barbe crépue, pendantes de ses joues sur son cou, donnaient à sa figure, vue de face, une forme carrée. Cet homme était coiffé d'un feutre gris sur lequel ruisselait la pluie, et dont sa main n'avait seulement pas daigné toucher le bord à l'aspect des quatre voyageurs. En l'apercevant, Béninus Spiagudry poussa un cri d'épouvante, et le ministre luthérien se détourna, frappé de surprise et d'horreur, tandis que le maître du logis, qu'il avait reconnu, lui adressait la parole. « Comment vous voilà, seigneur ministre ? En vérité, je ne croyais pas avoir l'amusement de revoir aujourd'hui votre air piteux et votre mine effarouchée. » Le prêtre réprima son premier mouvement de répugnance. Ses traits devinrent graves et sereins. « Et moi, mon fils, je m'applaudis du hasard qui a amené le pasteur vers la brebis égarée, afin, sans doute, que la brebis revînt enfin au pasteur. « Ha ha ! Par le gibet d'Amon !» reprit l'autre en éclatant du rire. « Voilà la première fois que je m'entends comparer à une brebis. Croyez-moi, père, si vous voulez flatter le vautour, ne l'appelez pas pigeon. » « Celui par lequel le vautour devient colombe, console mon fils et ne flatte pas. Vous croyez que je vous crains et je ne fais que vous plaindre. » « Il faut, en vérité, messire, que vous ayez bonne provision de pitié. J'aurais pensé que vous l'aviez épuisée tout entière sur ce pauvre diable auquel vous montriez aujourd'hui votre croix pour lui cacher ma potence. »« Cet infortuné, répondit le prêtre, était moins à plaindre que vous, car il pleurait et vous riez. Heureux qui reconnaît au moment de l'expiation « combien le bras de l'homme est moins puissant que la parole de Dieu ?»« Bien dit, père !» reprit l'autre avec une horrible et ironique gaieté. « Celui qui pleure, notre homme d'aujourd'hui d'ailleurs, n'avait d'autre crime que d'aimer tellement le roi qu'il ne pouvait vivre sans faire le portrait de sa majesté sur des petites médailles de cuivre, qu'il dorait ensuite artistement pour les rendre plus dignes de la royale effigie. Notre gracieux souverain n'a pas été ingrat et lui a donné en récompense de tant d'amour un beau cordon de chanvre, qui, pour l'instruction de mes dignes hôtes, lui a été conféré ce jour même sur la place publique de Skongen, par moi, grand chancelier de l'ordre du gibet, assisté de messire ici présent, grand aumônier du dit ordre. « Malheureux, arrêtez !» interrompit le prêtre. « Comment celui qui châtie oublie-t-il le châtiment ? Écoutez le tonnerre !»« Eh bien, qu'est-ce que le tonnerre ? Un éclat de rire de Satan !»« Grand Dieu, il vient d'assister à la mort et il blasphème !»« Trêve au sermon, vieux insensé !» cria l'hôte d'une voix tonnante et presque irritée. « Et sinon vous pourriez maudire l'ange des ténèbres qui nous a réunis 2 fois en 12 heures sur la même voiture et sous le même toit !» Imitez votre camarade l'ermite, qui se tait, car il a bonne envie de retourner dans sa grotte de l'Inras. Je vous remercie, frère ermite, de la bénédiction que tous les matins, à votre passage sur la colline, je vous vois donner à la tour maudite. Mais en vérité, jusqu'ici vous m'aviez semblé de haute taille, et cette barbe si noire m'avait paru blanche. Vous êtes bien cependant l'ermite de l'Inras, le seul ermite de Trondtrembus. « Je suis en effet le seul, » dit l'ermite d'une voix sourde. « Nous sommes donc, » reprit l'hôte, « les 2 solitaires de la province. Oh là, Bécli, hâte un peu ce quartier d'agneau, car j'ai faim. J'ai été retardé au village de Burloc par ce maudit docteur Manril qui ne voulait me donner que 12 ascalins du cadavre. On en donne 40 à cet infernal gardien du Splaggest, à Trondheim. Hé, messire de la perruque, qu'avez-vous donc? Vous allez tomber à la renverse. À propos, Buckley, as-tu terminé le squelette de l'empoisonneur Orgivius, ce fameux magicien? Il serait temps de l'envoyer au cabinet de curiosité de Bergen. As-tu dépêché l'un de tes petits marcassins au syndic de Levig pour réclamer ce qu'il me doit? 4 doubles écus pour avoir fait bouillir une sorcière et 2 alchimistes. Et enlever plusieurs chaînes des poutres de la salle de son tribunal, qu'elle déparait. 20 ascalins pour avoir dépendu Ismaël Tiphaine, juif dont s'était plaint le révérend évêque, et 1 écu pour avoir remis un bras de bois neuf à la potence de Pierre Dubourg. Le salaire, répondit la femme d'une voix aigre, est resté dans les mains du syndic, parce que ton fils avait oublié la cuillère de bois pour le recevoir. Et qu'aucun valet du juge n'a voulu le lui remettre en main propre. Le mari fronça le sourcil. Que leur coup me tombe entre les mains! Ils verront si j'aurai besoin d'une cuillère de bois pour les toucher. Il faut pourtant ménager ce syndic. C'est à lui qu'est renvoyée la requête du voleur Ivard, qui se plaint de ce que la question lui a été donnée, non par un tortionnaire, mais par moi, alléguant que, n'ayant pas encore été jugé, il n'est pas encore infâme. À propos, femme, empêche donc tes petits de jouer avec mes tenailles et mes pinces. Ils ont dérangé tous mes instruments, si bien que je n'ai pu m'en servir aujourd'hui. Où sont-ils, ces petits monstres ? Continua l'hôte en s'approchant du tas de paille où Spiagudry avait cru voir trois cadavres. Les voilà couchés là. Ils dorment malgré le bruit, comme trois dépendus. À ces paroles, dont l'horreur contrastait avec la tranquillité effrayante et l'atroce gaieté de celui qui les prononçait, le lecteur a peut-être déjà deviné quel est l'habitant de la tour de Vigla. Spiagudry, qui dès son apparition le reconnut, pour l'avoir vu figurer souvent dans de sinistres cérémonies sur la place du Trondheim, se sentit prêt de défaillir d'épouvante, en songeant surtout aux motifs personnels qu'il avait depuis la veille pour craindre ce terrible fonctionnaire. Il se pencha vers Ordener et lui dit d'une voix presque inarticulée « C'est Nicol Orugix, bourreau de Droitembus. » Ordener, d'abord frappé d'horreur, tressaillit et regretta la route et la tempête. Mais bientôt, je ne sais quel sentiment de curiosité indéfinissable s'empara de lui. Et, tout en plaignant l'embarras et l'épouvante de son vieux guide, il prêtait son attention entière aux paroles et à l'habitude de vie de l'être singulier qu'il avait sous les yeux, comme on écoute avidement le grondement d'une hyène ou le rugissement d'un tigre amené du désert dans nos villes. Le pauvre Béninus était loin d'avoir l'esprit assez libre pour faire de son côté des observations psychologiques. Caché derrière Ordener, il se ramassait dans son manteau, portait une main inquiète à son emplâtre, attirait sur son visage le derrière de sa perruque flottante, et ne respirait que par gros soupirs. Cependant, l'hôtesse avait servi sur un grand plat de terre le quartier d'agneau rôti, pourvu de sa queue rassurante. Le bourreau vint s'asseoir en face d'Ordener et de Spiagudry, entre les deux prêtres. Et sa femme, après avoir chargé la table d'une cruche de bière miellée, d'un morceau de rein de brode, footnote pain d'écorce, dont se nourrit la classe indigente en Norvège, et de cinq assiettes de bois, s'assit devant le feu et s'occupa d'aiguiser les pinces ébréchées de son mari. « Ça, révérend ministre !» dit Orugix en riant. « La brebis vous offre de l'agneau. Et vous, seigneur de la perruque, est-ce le vent qui a ainsi ramené votre coiffure sur votre visage ?»« Le vent, seigneur, l'orage !» balbutia le tremblant Spiagudry. « Allons, enhardissez-vous, mon vieux. Vous voyez que les seigneurs prêtres et moi, nous sommes bons diables. Dites-nous qui vous êtes et quel est votre jeune compagnon, le taciturne. Et parlez un peu, faisons connaissance. Si vos discours tiennent tout ce que promet votre vue, vous devez être bien amusant. » « Le maître plaisante, » dit le concierge contractant ses lèvres, montrant ses dents et clignant son œil pour avoir l'air de rire. « Je ne suis qu'un pauvre vieux. »« Oui, » interrompit le jovial bourreau, « quelques vieux savants, quelques vieux sorciers. » « Oh, seigneur maître, savant, oui, sorcier, non. »« Tant pis, un sorcier compléterait notre joyeux Sanhédrin. »« Seigneur, mes hôtes, buvons pour rendre la parole à ce vieux savant qui va égayer notre souper. »« À la santé du pendu d'aujourd'hui, frère prédicateur. »« Eh bien, père ermite, vous refusez ma bière ?» L'ermite avait en effet tiré de dessous sa robe une grande gourde pleine d'une eau très claire dont il remplit son verre. « Parbleu, ermite de l'Inras ! » s'écria le bourreau. « Si vous ne goûtez pas de ma bière, je goûterai de cette eau que vous lui préférez. »« Soit, » répondit l'ermite. « Ôtez d'abord votre gant, révérend père, » répliqua le bourreau. « On ne verse à boire qu'à main nue. » L'ermite fit un signe de refus. « C'est un vœu, » dit-il. « Versez donc toujours, » dit le bourreau. À peine Orugix eut-il porté son verre à ses lèvres qu'il le repoussa brusquement, tandis que l'ermite vidait le sien d'un trait. « Par le calice de Jésus, révérend ermite, quelle est cette liqueur infernale? Je n'en ai point bu de pareille depuis le jour où je faillis me noyer dans ma navigation de Copenhague à Trondheim. En vérité, ermite, ce n'est pas de l'eau de la source de Lynras, c'est de l'eau de mer. » « De l'eau de mer ?» répéta Spiagudry avec une épouvante qu'augmentait la vue du gant de l'ermite. « Eh bien !» dit le bourreau, se tournant vers lui avec un éclat de rire. « Tout vous alarme donc ici, mon vieux Absalon, jusqu'à la boisson même d'un saint cénobite qui se mortifie. »« Hélas non, maître, mais de l'eau de mer, il n'y a qu'un homme. »« Allons, vous ne savez que dire, sire docteur. » « Votre trouble parmi nous vient d'une mauvaise conscience ou du mépris. » Ces mots, prononcés d'un ton d'humeur, ramenèrent Spiagudry à la nécessité de dissimuler sa terreur. Pour amadouer son redoutable hôte, il appela à son secours sa vaste mémoire et rallia le peu de présence d'esprit qui lui restait. « Du mépris, moi, du mépris pour vous, seigneur maître !» Pour vous, dont la présence dans une province donne à cette province le merum imperium, footnote, droit de sang d'avoir un bourreau. Pour vous, maître des hautes œuvres, exécuteur de la vindicte séculière, épée de la justice, bouclier de l'innocence, pour vous, qu'Aristote, livre 6, chapitre dernier de ses politiques, classe parmi les magistrats, et dont Paris de Putéo, dans son traité de syndicaux, fixe le traitement à 5 écus d'or, comme l'atteste ce passage, « Quinque aureos manivolto ». Pour vous, seigneur, dont les confrères à Constrate acquièrent la noblesse après 300 têtes coupées, pour vous, dont les terribles mais honorables fonctions sont remplies avec orgueil, en Franconie par le plus nouveau marié, à Reutling par le plus jeune conseiller, à Stédiane par le dernier bourgeois installé, et ne sais-je pas encore, mon bon maître, que vos confrères ont en France droit de havadium sur chaque malade de Saint-Ladre, sur les pourceaux et sur les gâteaux de la veille de l'Épiphanie? Comment n'aurais-je pas un profond respect pour vous, quand l'abbé de Saint-Germain-des-Prés vous donne chaque année à la Saint-Vincent une tête de porc, et vous fait marcher en tête de sa procession. » Ici, la verve érudite du concierge fut brusquement interrompue par le bourreau. « C'est par ma foi la première nouvelle que j'en ai. Le docte abbé dont vous parlez, révérend, m'a jusqu'à présent fraudé de tous ces bons droits que vous peignez d'une façon si séduisante. Sires étrangers, poursuivit Orugix, sans m'arrêter à toutes les extravagances de ce vieux fou, il est vrai que j'ai manqué ma carrière. Je ne suis aujourd'hui que le pauvre bourreau d'une pauvre province. Eh bien, j'aurais dû certes faire un plus beau chemin que Stilisson dit quoi, ce fameux bourreau de Moscovie. Croiriez-vous que je suis le même qui fut désigné il y a 24 ans pour l'exécution de Schumacher ? De Schumacher ? Du comte de Griedfenfeld ? S'écria Ordener. Cela vous étonne, seigneur le muet ? Eh bien, oui. De ce même Schumacher, qu'un singulier hasard replace encore sous ma main, dans le cas où il plairait au roi de lever le sursis. Puis dans cette cruche, messieurs, et je vais vous conter comment il se fait qu'après avoir débuté avec tant d'éclat, je finisse si misérablement. J'étais, en 1676, valet de Rumstwald, bourreau royal de Copenhague. Lors de la condamnation du comte de Griedfenfeld, mon maître étant tombé malade, je fus, grâce à mes protections, choisi pour le remplacer dans cette honorable exécution. Le 5 juin, je n'oublierai jamais ce jour, dès 5 heures du matin, aidé du maître des basses œuvres, footnote, charpentier des échafauds, je dressai sur la place de la citadelle un grand échafaud que nous tendîmes de noir, par respect pour le condamné. À 8 heures, la garde noble entoura l'échafaud et les hulans de Schleswig continrent la foule qui se pressait sur la place. Quel autre à ma place n'eût été enivré? Debout et sabre en main, j'attendais sur l'estrade. Tous les regards étaient fixés sur moi. J'étais en ce moment le personnage le plus important des deux royaumes. Ma fortune, disais-je, est faite, car que pourraient sans moi tous ces grands seigneurs qui ont juré la perte du chancelier? Je me voyais déjà exécuteur royal en titre de la capitale. J'avais des valets, des privilèges. Écoutez, l'horloge du fort sonne 10 heures. Le condamné sort de sa prison, traverse la place, monte à l'échafaud d'un pas ferme et d'un air tranquille. Je veux lui lier les cheveux, il me repousse et se rend à lui-même ce dernier service. Il y avait longtemps, dit-il en souriant au prieur de Saint-André, que je ne m'étais coiffé moi-même. Je lui offre le bandeau noir, il l'éloigne de ses yeux avec dédain, mais sans me marquer de mépris. « Mon ami, me dit-il, voilà peut-être la première fois qu'un espace de quelques pieds rassemble les deux officiers extrêmes de l'ordre judiciaire, le chancelier et le bourreau. » Ces paroles sont restées gravées dans ma tête. Il refuse encore le coussin noir que je voulais mettre sous ses genoux, embrasse le prêtre et s'agenouille, après avoir dit d'une voix forte qu'il mourait innocent. Alors je brisai d'un coup de masse l'écusson de ses armoiries, en criant comme de coutume « Cela ne se fait pas sans une juste cause !» Cet affront ébranla la fermeté du comte. Il pâlit, mais il se hâta de dire « Le roi me les a donnés, le roi peut me les ôter. » Il appuya sa tête sur le billot, les yeux tournés vers l'est, et moi, je levai mon sabre des deux mains. « Écoutez bien. En ce moment, un cri arrive jusqu'à moi. « Grâce, au nom du roi, grâce pour Schumacher !» Je me retourne, et c'était un aide de camp qui galopait vers l'échafaud en agitant un parchemin. Le comte se relève d'un air non joyeux, mais seulement satisfait. Le parchemin lui est remis. « Juste Dieu » s'écrie-t-il, « la prison perpétuelle. Leur grâce est plus dure que la mort. » Il descend, abattu comme un voleur, de l'échafaud où il était monté serein. Pour moi, cela m'était égal. Je ne me doutais guère que le salut de cet homme était ma perte. Après avoir démoli l'échafaud, je rentre chez mon maître, encore plein d'espérance, quoiqu'un peu désappointé d'avoir perdu l'écu d'or, pris de la chute de la tête. Ce n'était pas tout. Le lendemain, je reçois un ordre de départ et un diplôme d'exécuteur provincial pour le Dronteimus, bourreau de province et de la dernière province de Norvège. Or, sachez, messire, comment de petites causes amènent de grands effets. Les ennemis du comte, afin de se donner un air de clémence, avaient tout disposé pour que la grâce arrivât un moment après l'exécution. Il s'en fallut d'une minute. On s'en prit à ma lenteur, comme s'il eût été décent d'empêcher un personnage illustre de s'amuser quelques instants avant le dernier. Comme si un exécuteur royal qui décapite un grand chancelier pouvait le faire sans plus de dignité et de mesure qu'un bourreau de province qui pend un juif. À cela se joignit la malveillance. J'avais un frère, que même je crois avoir encore. Il était parvenu, en changeant de nom, dans la maison du nouveau chancelier, comte Alefeld. À Copenhague, ma présence importuna le misérable. Mon frère me méprise, parce que ce sera peut-être moi qui le pendrai un jour. » Ici, le disert narrateur s'interrompit pour donner passage à sa gaieté, puis il continua. « Vous voyez, chers hôtes, que j'ai pris mon parti. Ma foi, au diable l'ambition. J'exerce ici honnêtement mon métier. Je vends mes cadavres, ou Beckley en fait des squelettes, que m'achète le cabinet d'anatomie de Bergen. Je ris de tout, même de cette pauvre femelle qui a été bohémienne et que la solitude rend folle. Mes trois héritiers grandissent dans la crainte du diable et de la potence. Mon nom est l'épouvante des petits-enfants du Drotheimus. Les syndics me fournissent une charrette et des habits rouges. La tour maudite me garantit de la pluie, comme ferait le palais de l'évêque. Les vieux prêtres que l'orage pousse chez moi me prêchent, les savants me flagornent. En somme, je suis aussi heureux qu'un autre. Je bois, je mange, je pends et je dors. Le bourreau n'avait pas mené à fin ce long discours sans l'entremêler de bière et de bruyantes explosions de rire. « Il tue et il dort !» murmura le ministre. « L'infortuné !»« Que ce misérable est heureux !» s'écria l'ermite. « Oui, frère ermite, dit le bourreau, misérable comme vous, mais certes plus heureux. Tenez, le métier serait bon si l'on ne semblait prendre plaisir à en ruiner les bénéfices. Croiriez-vous que je ne sais quelles fameuses noces ont fourni à l'aumônier, nouvellement nommé de Trondheim, l'occasion de demander la grâce de 12 condamnés qui m'appartiennent ?»« Qui vous appartiennent ? » s'écria le ministre. « Oui, sans doute, père. 7 d'entre eux devaient être fouettés, 2 marqués sur la joue gauche et 3 pendus, ce qui fait en somme 12. Oui, 12 écus et 30 ascalins, que je perds si la grâce est accordée. Comment trouvez-vous, sire étranger, cet aumônier qui dispose ainsi de mon bien ? Ce maudit prêtre s'appelle Athanase Munder. Oh, si je le tenais !» Le ministre se leva et dit d'une voix égale et d'un air tranquille. « Mon fils, c'est moi qui suis Athanase Munder. » À ce nom, la colère s'alluma dans tous les traits d'Orugix. Il s'élança brusquement de son siège. Puis son regard irrité rencontra le regard calme et bienveillant de l'aumônier et il vint se rasseoir lentement, muet et confus. Il se fit un moment de silence. Ordener, qui s'était levé de table, prêt à défendre le prêtre, le rompit le premier. « Nicole Rugix, dit-il, voici 13 écus pour vous dédommager de la grâce des condamnés. »« Hélas !» interrompit le ministre. « Qui sait si je l'obtiendrai ? Il faudrait que je puisse parler au fils du vice-roi, car cela dépend de son mariage avec la fille du chancelier. »« Seigneur aumônier, répondit le jeune homme d'une voix ferme, « vous l'obtiendrez. Ordener Guldenlow ne recevra pas l'anneau nuptial. » Que les fers de vos protégés ne soient rompus. Jeune étranger, vous n'y pouvez rien, mais Dieu vous entende et vous récompense. Cependant, les 13 écus d'Ordener avaient achevé ce que le regard du prêtre avait commencé. Nicole, entièrement apaisée, reprit sa gaieté. Tenez, révérend aumônier, vous êtes un brave homme, digne de desservir la chapelle de Saint-Hilarion. J'en disais de vous plus que je n'en pensais. Vous marchez droit dans votre sentier. Ce n'est pas votre faute s'il croise le mien. Mais celui auquel j'en veux, c'est le gardien des morts de Trondheim, ce vieux magicien, concierge du Splatgeist. Quel est son nom déjà ? Spliugri, Spadugri ? Dites-moi, mon vieux docteur, vous qui êtes une Babel de science, vous qui connaissez tout, vous ne pourriez pas m'aider à trouver le nom de ce sorcier, votre confrère ? Vous avez dû le rencontrer quelquefois, les jours de sabbat, chevauchant dans l'air sur un balai. » Certes, si le pauvre Béninius avait pu s'enfuir en ce moment sur quelque monture aérienne de ce genre, le narrateur de cette histoire ne doute pas qu'il ne lui eût confié, avec bien de la joie, sa frêle machine épouvantée. Jamais l'amour de la vie ne s'était développé avec autant de force chez lui que depuis qu'il percevait de tous ses organes l'imminence du danger. Tout ce qu'il voyait l'effrayait. Les souvenirs de la tour maudite, l'œil hagard de la femme rouge, les voix, les gants et la boisson du mystérieux ermite, l'aventurière intrépidité de son jeune compagnon et, par-dessus tout, le bourreau. Ce bourreau, dans le repère duquel il tombait en fuyant, chargé d'un crime. Il tremblait si fort que tout mouvement volontaire était chez lui paralysé. Surtout lorsqu'il vit la conversation se tourner sur lui et qu'il entendit l'apostrophe du formidable Rugix. Comme il ne se souciait guère d'imiter l'héroïsme du prêtre, sa langue embarrassée se refusa assez longtemps à répondre. « Eh bien, reprit le bourreau, « savez-vous le nom de ce concierge du Splatgeist ? Est-ce que votre perruque vous rend sourd ?»« Un peu, seigneur, mais, dit-il enfin, je ne sais pas ce nom, je vous jure. »« Il ne le sait pas, dit la voix redoutée de l'ermite. Il a tort d'en faire serment. Cet homme se nomme Béninius Piagudry. »« Moi ? Moi, grand Dieu ! S'écria le vieillard avec terreur. Le bourreau éclata de rire. « Et qui vous dit que c'est vous ? C'est de ce païen du concierge que nous parlons. En vérité, ce pédagogue s'effraie de rien. Que serait-ce donc si ces grimaces si drôles avaient une cause sérieuse ? Ce vieux fou serait amusant à pendre. Ainsi, vénérable docteur, poursuivit le bourreau que les terreurs de Spiagudry égayaient. Vous ne connaissez pas ce Béninius Spiagudry ? Non, mon maître, dit le concierge un peu rassuré par son incognito. Je ne le connais pas, je vous assure, et puisqu'il a le malheur de vous déplaire, je serai, maître, bien fâché, vraiment, de connaître cet homme. Et vous, seigneur ermite, reprit Orugix, vous paraissez le connaître. Oui, vraiment, répondit l'ermite. C'est un homme grand, vieux, sec, chauve. Spiagudry, justement alarmé de cette prosopographie, raffermit en hâte sa perruque. « Il a, continua l'ermite, les mains longues comme celles d'un voleur qui n'a pas rencontré de voyageurs depuis 8 jours. Le dos courbé. » Spiagudry se redressa de son mieux. « Du reste, on pourrait le prendre pour un des cadavres qu'il garde, s'il n'avait les yeux aussi perçants. » Spiagudry porta la main à son emplâtre protecteur. « Merci, père, » dit le bourreau à l'ermite. « En quelque lieu que je le trouve, je reconnaîtrai maintenant le vieux juif. » Spiagudry, qui était très bon chrétien, révolté de cette intolérable injure, ne put réprimer une exclamation. « Juif, maître ?» Puis il s'arrêta tout court, tremblant d'en avoir trop dit. « Eh bien, juif ou païen, qu'importe, s'il a des relations avec le diable, comme on le dit. »« Je le croirais volontiers, » reprit l'ermite avec un sourire sardonique que son capuchon ne cachait pas entièrement. « S'il n'était pas si poltron. Mais comment pourrait-il pactiser avec Satan ? Il est aussi lâche que méchant. Quand la peur le prend, il ne se connaît plus. » L'ermite parlait lentement, comme s'il eût composé sa voix. Et la lenteur même de ses paroles leur donnait une expression singulière. « Il ne se connaît plus !» répéta intérieurement Spiagudry. « Je suis fâché qu'un méchant soit lâche !» dit le bourreau. « Il ne vaut pas la peine d'être haï. Il faut combattre un serpent. On ne peut qu'écraser un lézard !» Spiagudry hasarda quelques paroles pour sa défense. « Mais, seigneur, êtes-vous sûr que l'officier public dont vous parlez soit tel que vous le dites ? A-t-il donc une réputation ?»« Une réputation ?» reprit l'ermite. « La plus exécrable réputation de la province !» Béninius, désappointé, se tourna vers le bourreau. « Seigneur maître, quel tort lui reprochez-vous ? Car je ne doute pas que votre haine ne soit légitime. » « Vous avez raison, vieillard, de n'en pas douter. Comme son commerce ressemble au mien, Spiagudry fait tout ce qu'il peut pour me nuire. »« Oh, maître, ne le croyez pas. Ou, s'il en est ainsi, c'est que cet homme ne vous a pas vu comme moi, entouré de votre gracieuse femme et de vos charmants enfants, admettant les étrangers au bonheur de votre foyer domestique. » S'il jouit comme nous de votre aimable hospitalité, maître, ce malheureux ne pourrait être votre ennemi. » Spiagudry achevait à peine cette adroite allocution, quand la grande femme, jusqu'alors muette, se leva et dit d'une voix aigrement solennelle. « La langue de la vipère n'est jamais plus venimeuse que lorsqu'elle est enduite de miel. » Puis elle se rassit et continua de fourbir ses pinces. Travail dont le bruit rauque et criard, remplissant les intervalles de la conversation, faisait, aux dépens des oreilles des 4 voyageurs, l'office des chœurs dans une tragédie grecque. « Cette femme est folle, vraiment !» se dit tout bas le concierge, ne pouvant s'expliquer autrement le mauvais effet de sa flatterie. « Bécli a raison, docteur aux blancs cheveux !» s'écria le bourreau. « Je vous tiens pour langue de vipère, si vous continuez de justifier plus longtemps ce Spiagudry. »« À Dieu ne plaise, maître !» s'écria celui-ci. « Je ne le justifie nullement. »« À la bonne heure. Vous ignorez d'ailleurs jusqu'où il pousse l'insolence. Croiriez-vous que l'impudent a la témérité de me disputer la propriété de Hand Island ?»« De Hand Island ?» dit brusquement l'ermite. « Eh oui, vous connaissez ce fameux brigand ?»« Oui, » dit l'ermite. « Eh bien, tout brigand revient au bourreau, n'est-il pas vrai ?»« Que fait cette infernale spiaguderie ? Il demande qu'on mette à prix la tête de Han. »« Il demande qu'on mette à prix la tête de Han ?» interrompit l'ermite. « Il en a l'audace, et cela uniquement pour que le corps lui revienne et que je sois frustré de ma propriété. » « Voilà qui est infâme, maître Rugix. Osez-vous disputer un bien qui vous appartient si évidemment ?» Ces mots étaient accompagnés du sourire malicieux qui effrayait Spiaguderie. « Le tour est d'autant plus noir, ermite, qu'il me faudrait une exécution comme celle de Han pour me tirer de mon obscurité et me faire la fortune que ne m'a pas faite celle de Schumacher. » « En vérité, maître Nicole ?» « Oui, frère ermite, le jour de l'arrestation de Han, venez me voir, et nous immolerons un pourceau gras à mon élévation future. »« Volontiers, mais savez-vous si je serai libre ce jour-là ? D'ailleurs, vous aviez tout à l'heure envoyé au diable l'ambition. »« Eh, sans doute, père, quand je vois que, pour détruire mes espérances les mieux fondées, il suffit d'un spiaguderie et d'une requête de mise à prix. »« Ah ! Reprit l'ermite d'une voix étrange. « Spiaguderie a demandé la mise à prix ?» Cette voix était pour le pauvre homme comme le regard du crapaud pour l'oiseau. « Seigneur, dit-il, pourquoi juger témérément ? Cela n'est pas sûr. Peut-être est-ce un faux bruit ?»« Un faux bruit ! S'écria Rugix. « La chose n'est que trop certaine. La demande des syndics est en ce moment à Trondheim. » Appuyé de la signature du concierge de Splaggest. On n'attend que la décision de son Excellence, le général-gouverneur. » Le bourreau était si bien instruit que Spiaguderie n'osa poursuivre sa justification. Il se contenta de maudire intérieurement, pour la centième fois, son jeune compagnon. Mais que devint-il lorsqu'il entendit l'ermite, qui, depuis quelques moments, paraissait méditer, s'écrier soudain d'un ton railleur. « Maître Nicole, quel est donc le supplice des sacrilèges ?» Ces paroles firent sur Spiaguderie le même effet que si on lui avait arraché son emplâtre et sa perruque. Il attendit avec anxiété la réponse de Rugix, qui acheva d'abord de vider son verre. « Cela dépend du genre de sacrilège, » répondit le bourreau. « Si le sacrilège est la profanation d'un mort ?» Pour le coup, le tremblant Béninus s'attendit à voir son nom sortir d'un moment à l'autre de la bouche de l'inexplicable ermite. « Autrefois, dit froidement Rugix, on l'enterrait vivant avec le cadavre profané. « Et maintenant ?»« Maintenant, on n'est plus doux. »« On n'est plus doux, » dit Spiaguderie, respirant à peine. « Oui !» reprit le bourreau de l'air satisfait et négligent d'un artiste qui parle de son art. On lui imprime d'abord, avec un fer chaud, un S sur le gras des jambes. « Et ensuite ?» interrompit le vieux concierge, contre lequel il eût été difficile d'exécuter cette partie de la peine. « Ensuite, » dit le bourreau, « on se contente de le pendre. »« Miséricorde !» s'écria Spiaguderie. « De le pendre !» « Eh bien, qu'a-t-il ? Il me regarde de l'air dont le patient regarde le gibet. »« Je vois avec plaisir, disait l'ermite, que l'on est revenu à des principes d'humanité. » En ce moment, l'orage qui avait cessé permit d'entendre très distinctement au dehors le son clair et intermittent d'un cor. « Nicole, dit la femme, on est à la poursuite de quelques malfaiteurs, c'est le corps des archers. » « Le corps des archers !» répéta chacun des interlocuteurs avec un accent différent, mais Spiaguderie avec celui de la plus profonde terreur. Ils achevaient à peine cette exclamation quand on frappa à la porte de la tour.